un camarade m'a conduit dans une crèmerie où se trouve une fille dont tout un Sénac est amoureux. Elle est en effet bien jolie, cette brune à tête de juive, et je n'ai jamais éprouvé, à côté de femmes de professeurs ou de grisettes, une impression pareille à celle que m'a donnée le froissement de sa jupe. Puis, elle me regarde d'un œil si gai, avec un sourire qui montre de si belles dents blanches. Elle me regarde encore, toujours, avec une persistance qui commence à me flatter. Ai-je le charme, décidément ? Elle rit. Voilà qu'elle éclate. Pardon, monsieur, oh, je vous demande bien pardon. C'est que vous avez l'air si drôle, avec votre habit vert et votre gilet jaune. Un habit et un gilet flambant neuf qui me sont arrivés de Nantes ce matin dans une malle, expédiée par ma mère. En attendant, j'étais ridicule jusqu'à la racine des cheveux. J'ai envie d'aller me jeter à l'eau, de quitter la France. Je m'endors là-dessus. Je suis réveillé par le facteur. Voyons cette lettre. Hôtel des Quatre Nations. Cher monsieur, je suis encore toute honteuse de moi, si honteuse. J'ai peur de vous avoir blessé. Je ne serai tranquille que quand vous m'aurez dit, sans être gêné par votre bel habit, que vous avez vu là une gaieté de jeune fille, et voilà tout. Faites-moi donc l'amitié, pour me montrer que vous ne me gardez pas rancune, de venir nous revoir ce soir, à 5 heures. Nous sommes seuls avec maman. Il n'y a pas encore les pensionnaires. Il me sera plus facile de vous demander pardon. Vous dînerez ensuite avec nous, et c'est moi qui vous invite, pour ma pénitence. Alexandrine Mouton. Elle a été charmante. Je regretterais bien maintenant que ma mère ne m'ait pas envoyé cet habit vert et ce gilet jaune. L'hôtel Mouton, qui va tenir une place si grande dans mon cœur, en tient une assez étroite dans la rue. Je n'essayais pas d'avoir l'air héroïque, ni fatal, ni excentrique, ni artiste, ni rien ne se connaissait paraître quand on est près d'une femme et qu'on a 17 ans. À un moment, nos yeux se dirent ce que ne voulaient pas se dire nos lèvres. Nos doigts se quittèrent, mais nos cœurs se joignirent. Je vais là tous les soirs. J'y viens prendre mon café, puis mes repas. Un matin, j'apportais ma malle. C'est elle qui le voulut. Je passe à l'hôtel du père Mouton une vie bien heureuse, entre l'amour et la politique, entre la tête brune d'Alexandrine et le buste de la liberté. La mère Mouton espère-t-elle que j'épouserai sa fille ? Le père Mouton croit-il à mon avenir ? Ils me font crédit. Ils m'ont même proposé à un Russe, qui est leur locataire, comme professeur de français. Ce Russe me donne 30 francs par mois. J'ai 70 francs. J'en donne 50 au père Mouton, j'en garde 20 pour mon blanchissage, mon tabac et mes folies. Sur ces 20-là, il faut dire aussi que je porte tous les dimanches 40 sous à mon ancien petit élève, le fils du portier. Son père est mort, et sans moi et son oncle, un vieux cartonnier pauvre, il serait à la charité. Je gagne ma vie, je suis aimé, et j'attends la révolution. J'aime ceux qui souffrent. Cela est le fond de ma nature. Je lis les livres de misère. Ce qui a pris possession du grand coin de mon cœur, c'est la foi politique, le feu républicain. Nous sommes un noyau d'avancée. Nous sommes tous pour la révolution. 93, ce point culminant de l'histoire. La convention, cette Iliade. Nos pères, ces géants. Pourquoi ce frisson toujours au premier mot de rébellion ? Pourquoi cette soif de bataille et même cette soif de martyr ? Je subirai le supplice et je mourrai comme un héros, je crois, au refrain de la Marseillaise. Ils trouvent à l'hôtel Lisbonne que je n'ai pas la foi. Ils m'en veulent de ne pas croire aux gloires et aux livres. J'ai peur d'y croire trop encore. Il me semble qu'il se mêle à mon enthousiasme le romantisme de lectures ardentes qui font voir l'insurrection pleine de poésie et de grandeur et qui promettent aux cadavres républicains une raison funèbre scandée à coups de canon. Est-ce que je sais au juste pourquoi je voudrais la bataille et ce que donnera la victoire ? Pas trop, mais je sens bien que ma place est du côté où l'on criera « Vive la République démocratique et sociale !» De ce côté-là seront tous les fils que leur père a suppliciés injustement, tous les élèves que le maître a fait saigner sous les coups de l'humiliation, tous les professeurs que le proviseur a insultés, tous ceux que les injustices ont affamés. Nous, les avancés, sommes de ce côté. L'hôtel Mouton a remplacé l'hôtel Lisbonne. L'hôtel Lisbonne est mort. Chacun est allé de son côté. Rouyani a pris pour maîtresse la fille de la concierge et vit avec elle, comme un bourgeois, dans le coin de la rue Madame. Matoussin, lui, s'est attaché au tombeau d'un philanthrope, d'un homme de bien. Il vit chez les héritiers. Je crois qu'Angelina l'a quitté et trompé. Il prétend qu'elle est en villégiature chez une parente. Mais cette parente-là a des moustaches et un chapeau pointu, à ce qu'il paraît. Mais non, Matoussin n'a pas trahi. Il n'en reste pas moins attaché aux idées avancées.